Troisièmement, extrait du sermon sur l'éminente dignité des pauvres. Celui-là entend véritablement le mystère de la charité qui considère les pauvres comme les premiers enfants de l'Église, qui, honorant cette qualité, se croit obligé de les servir, qui n'espère de participer aux bénédictions de l'Évangile que par le moyen de la charité et de la communication fraternelle. Pendant que le temps le permet, pratiquons ce conseil de saint Paul. Alter alterius onera portate, portez vos fardeaux les uns des autres. Riche, portez le fardeau du pauvre, soulagez sa nécessité, aidez-le à soutenir les afflictions sous le poids desquelles il gémit. Mais sachez qu'en le déchargeant, vous travaillez à votre décharge. Lorsque vous lui donnez, vous diminuez son fardeau, il diminue le vôtre. Vous portez le besoin qui le presse, il porte l'abondance qui vous surcharge. Communiquez entre vous mutuellement vos fardeaux, afin que les charges deviennent égales. Ut fias et qualitas, dit saint Paul. Car, quelle injustice, mes frères, que les pauvres portent tout le fardeau, que tout le poids des misères aille fondre sur leurs épaules. S'ils s'en plaignent, et s'ils en murmurent contre la providence divine, Seigneur, permettez-moi de le dire, c'est avec quelque couleur de justice. Car, étant tous pétris d'une même masse, et ne pouvant pas y avoir grande différence entre de la boue et de la boue, pourquoi verrons-nous d'un côté la joie, la faveur, l'affluence, et de l'autre la tristesse et le désespoir et l'extrême nécessité, et encore le mépris de la servitude? Pourquoi cet homme si fortuné vivra-t-il dans une telle abondance, et pourra-t-il contenter jusqu'aux désirs les plus inutiles d'une curiosité étudiée, pendant que ce misérable, homme toutefois aussi bien que lui, ne pourra soutenir sa pauvre famille, ni soulager la faim qui le presse? Dans cette étrange inégalité, pourrait-on justifier la Providence de mal ménager les trésors que Dieu met entre des égaux, si par un autre moyen, elle n'avait pourvu aux besoins des pauvres et remis quelque égalité entre les hommes? C'est pour cela, chrétien, qu'il a établi son Église, où il reçoit les riches, mais, à condition de servir les pauvres, où il ordonne que l'abondance supplée aux défauts et donne des assignations aux nécessiteux sur le superflu des opulents. Entrez, mes frères, dans cette pensée. Si vous ne portez le fardeau des pauvres, le vôtre vous accablera. Le poids de vos richesses mal dispensées vous fera tomber dans l'abîme. Au lieu que, si vous partagez avec les pauvres le poids de leur pauvreté en prenant part à leur misère, vous mériterez tout ensemble de participer à leurs privilèges.